Salut mon grand, comment ça va? Ça fait longtemps que je t'avais pas envoyé une petite lettre, c'est pas évident. Tu sais, j'ai beau leur demander, ils font la gueule au PTT. Le code postal du paradis n'est pas courant. Mais je me dis que maintenant que les capotes sont à un franc, je vais en gonfler 10 à l'hélium pour accrocher la lettre que j'écris à l'instant, qui s'en ira au gré du vent. Il ne te restera plus qu'à la rattraper. T'aurais pas dû crever, la vie n'était pas terminée. Hier encore, y'avait des vagues et puis du vent. On aurait pu aller surfer, mais t'as préféré te casser dans le jardin d'Éden, dans le jardin du temps. Mais tu te dis que maintenant que les capotes sont à un franc, ton cœur battrait plus fort quand arrive l'été. Tu sentirais encore le vent, des grains de sable et puis le temps couler entre tes doigts et glisser sous tes pieds. Ok, je sais bien qu'elle était super bandante à en crever. Elle t'a entraîné dans son lit, tu pouvais pas refuser. Tu n'avais que 2 francs sur toi et t'as pensé tension, sida. Mais qu'une fille belle comme ça était immunisée. Les capotes sont à un franc, tu serais encore là et tu raconterais que t'avais fait l'amour 2 fois sans penser qu'avec cette fille-là, l'amour et la mort étaient à jamais liés.